J'ai fait le pain toute l'année, j'hésite entre la Aston Martin ou la Bentley. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. J't'enverrai un email. J'suis calé, petit rosé, j'suis refait, j'vais te montrer comment c'est. Petit polo cabana. J'ai mon cigare Havana. Je me demande où je vais passer l'été. Petit polo cabana. J'ai mon cigare Havana. I like you Montana. J'ai cassé la marche arrière. Et ta gadi, qu'est-ce qu'elle a? Elle croit qu'elle a bon avec moi. J'ai planté le Panamera. Arrête de me jeter l'œil. Quand on n'est pas joli, cousine, on reste poli. Cousine, on reste folie.